ouais. Pas s'étonner, un de ces quatre ça va péter. À 37, ça fait longtemps que ça dure mon pote. Mais on est là, t'inquiète. Tous les potos. Et faut pas s'étonner si un de ces quatre ça va péter. Peut-être parce qu'il y en a marre d'être dirigé par des PD. Et faudra pas chialer quand Paris va cramer. Et sur là on verra si les poulets vont cramer. Moi je suis comme ces deux os, je me sens le cœur criblé. De toute façon depuis la naissance c'est toujours nous qui sommes ciblés. Ça commence par les profs, ça passe par les poulets. C'est bien dans ce bled pourri que nos parents ont des boulets. Pour eux c'est clair et net, on a le rôle d'un boulet. Ici on est saoulés car tous nos rêves vont couler. Pour eux c'est sans pitié, ils nous ont colonisés. Ça a toujours été l'Afrique qui s'est fait sodomiser. Donc on s'en bat les couilles, des lois et des valeurs. La galère tous les soirs, sous les halls la rivaleur. C'est la place de l'opprimé et du bouc émissaire. Ici on se plaît pas parce que c'est la misère. Ici tout ce qu'on demande, c'est rapper et percer. Éclater l'état spé et la cagnotte du tiercé. Donc faut pas s'étonner que des fois on soit ivre. Nos parents se cassent le cul, ont même pas de quoi vivre. De toute façon la vie c'est ça, t'as fait se faire exploiter. Alors le président dit plus bien qu'il peut. C'est tous catalogués, la discrimination. Je lève mon verre pour les frères qui sont issus de l'immigration. Et pour quelques euros, les rebelles partent en mission. Vu que la vie nous boycotte, mais on n'a plus d'ambition. On n'a plus qu'un seul but, c'est gagner du pesbro. Mais a-t-on oublié que Chirac est un escroc? Vu que la vie nous bousille, on devient des gros tarés. Ici les mondes précoces ont déjà les épaules carrées. Nous on veut être les boss dans chaque domaine. Tous les traits finiront avec un schlasse dans l'abdomen. Dans les tranchées je m'enfonce, car en bas du bloc c'est le chemin des dames. Mes potes pris dans leur fosse et rêvent d'un pèlerinage à Amsterdam. Rien n'a changé, car en bas c'est toujours les mêmes concerts. Tout va en se dégradant, le diable me bat. Certains soirs de concert, le seul main est mort. Mon insomnie pèse le poids de la discorde. La nuit j'entends mère mort. Pleurant des rêves, tu sport au bout d'une corde. L'espoir fait vivre ou fait crever de faim comme dans Germinal. Moi je crache sur l'espoir comme un cancéreux en phase terminale. À bout de souffle, donc depuis peu je suis devenu asthmatique. Je respire grâce à l'inspi et là j'expire un couplet dramatique. Je m'invente un monde ou dans la rue en spring break. Y'a plus de saison pour se foutre en l'air vu que la vie ne me pèse pas au spring break. Ma vie se résume en 2-3 sons et quelques faits divers. Condamné comme un clochard à Paname. À plus de mois sec l'hiver. L'accord des rêves, plus d'équilibre, je suis presque près du bord. Je dédramatise pas, je raconte pas ma vie façon Franck Dubois. Vois ce monde tourner aussi vite que la roue de la fortune. Les deux mains pleines de sang, prêts à tourner la roue de la fortune. Des gosses grandissent en mettant tout leur espoir dans des pierres. Ils regardent le ciel en mettant toute leur foi dans chaque prière. Des rivières coulent en amont, des villes sont privées d'eau potable. Bientôt tu pourras voir les conflits et en direct sur ton portable. La colombe s'est fait péter en revenant de Colombie. Juste un rail et Pierrot sera prêt pour baiser Colombie. Le monde est stone, la paix et la haine sont mis dans sa checker. Je suis pas un Rolling Stone car je suis pas satisfait comme Mick Jagger. Une bombe explose, ça fera encore des gamins sous des draps. Enfant mais déjà femme détruit par les pages du Kama Sutra. Le point levé sur l'amour d'une vie juste à cause d'une bâtisse. Mes mots s'envolent pour ceux qui se font violer par ceux qui les bâtissent. Je suis juste un gars qu'absent d'espoir pour être bien dans sa vie. Car ce monde me dégoûte comme un père de famille qui viole sa fille. Cousin rate pas le départ, je te le dis ça va par tes pattes. Que le bokeh m'apporte des pattes. Moi je mangerai à part des pattes. Je traîne avec une bande chivrale en même temps que la gloire mignonne. Alors tu bien cette pute qu'elle arrête de te croire mignonne. Je suis dans le gouffre. Tant qu'il y a de la tease et de la cam exposée. Cousin quand je viens poser, moi j'ai le crâne explosé. Je suis banal et HS, en plus de ça j'ai pas de mérite. Le visage à maigrir, la maîtrise et la méprise. Rien s'échec au quotidien, à la daronne, à la baracraque. Demande à Colombien, le limeur de la baratraque. Traîner sans grainer, j'aimerais dire que j'ai pas ce mental. Mais l'engrenage m'attire, donc je suis j'bois et puis j'm'entale. Représente la famille, se fichier à cause des sables. Trop des arts, tu découvres que tout la cause est sale. Troué, sali, j'ai plus salivé, j'délire. M'en parle pas, Aster, j'étais mes livres pour kef des wesh. Est-ce une issue ou un délit? Mais question reste une énigme. Donc atterris et apprécie, ça se passe là où le bonheur est rare comme une bonne nouvelle. Y'a juste des gros ciels, des ruelles et beaucoup de frères. Je reste sceptique sur l'avenir, me parle pas des vénards. Je suis engrainé dans une matrice samedi soir à vomir. Niquez vos mères, je reste dans mon triple agent de l'envoyeur. C'est gras humide et je reste squelettique malgré mon plat. Ces derniers mois, j'ai fait ma vie entre école et musique. Sa poche rapplique, j'entends dire gras humide du combat pique. Je voulais gros joint, dépose dans le sud, les bénéfices engrangés. Je représente à ma façon, je me déplace pour la passion. C'est temps-ci, gros j'ai bossé, faire tourner mes citations. Je fais attention à toutes ces putes me choper dans ton sarrêt, t'en fais pas. T'entendras gras regard si t'as des sous, faire tous tes sauts, de façon tu sais. La poisson a tout su, après tout ça, je me mettrai un gros joint dans la cervelle. Ouais, ouais, gras du beat, si, si ma gueule, j'arrive toujours ici.